Érico, c'est Lolo, c'était chambé ce qu'on a fait pour les trous de balle, là. Mais je pense c'est l'anniv à la petite miss qu'ils font, hein. Le 15, là, putain, il faut chier à tout cette nez en avril. Faut sortir un saut rapido, poteau. Rejoins-moi chez ta mère pour faire du sale, ma mène. Ok, ça marche. Allez, en voiture, Simone. Et t'inquiète pas, Lolo, je me dépêche, hein. Putain, qu'est-ce qu'il faut là? Putain, je suis là à la bourre. Ah, c'est bon, je vois la maison. Érico, t'es vraiment trop pilote. Allez, c'est parti, m'amène, j'ai pris de quoi faire le voyage. Ok, mais d'abord, faut que je choisisse une musique. T'entends ça, Lolo? Ça, c'est un truc de malade. Ah, ouais, ça... Mais tu crois qu'elle va aimer la popo? Attends, Sean, j'ai roulé un gros terre. T'entends ça, Lolo? C'est Céline. Y'a rien de mieux pour rouler un long pet. Et ma serré. Si c'est facile, fermez les yeux. J'aime plutôt ça. J'ai fini de rouler, Rico. Tire une grosse latte, frangin. Allez, merci, ma mère. Waouh, charmé. Lolo, pourquoi on est dans la campagne là? Bah, je sais pas moi. C'est tranquille ici. Mais t'entends ça? Oh oui, Rico, t'as raison, j'entends un truc. Oh, ma parole, c'est des petits lutins qui font du sale. Oh là là, beaucoup les lutins. Bonsoir, gendarmerie nationale, est-ce que vous avez vos attestations sur vous? Ah, nos attestations? Ben, Lolo, il a la sienne pour aller aller chercher des médocs, tu sais. Et puis moi, j'ai la mienne pour aller chercher... Il nous attrapera jamais. Mais fais gaffe, Rico, tu vas trop vite, ma mère. Mais non, t'inquiète, je suis un pilote. Comment lui a bien niqué sa mère. Oh non, on a cassé la voiture. Hé Lolo, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je sais pas. On faisait ça pour quoi déjà? Ah oui, le sang, balance Rico. T'entends ce rythme endiablé, Rico? C'est ça que veulent les jeunes. Titi, fond, fond. Titi, fond, fond. Titi, fond, fond. Titi, fond, fond. Titi, titi, titi, fond, fond, fond, fond, fond, fond. Titi, titi, titi, fond, fond, fond, fond. Joyeux anniversaire, Tata Monique! Un gros bisou, je t'aime!